nucléaire is the new green. Après des années d'interruption et de mise au ban des énergies suite aux catastrophes de Tchernobyl et Fukushima, le nucléaire se réinvite dans le débat énergétique comme solution décarbonée de transition avant de passer au tout renouvelable. Oui, mais voilà, en France, parler de nucléaire, c'est être pour ou contre, blanc ou noir. Est-il possible de parler d'énergie nucléaire avec un regard scientifique et de sortir du débat stérile entre partisans et opposants ? Ce sera notre discussion du jour. Nous parlerons également de planètes autour de naines blanches, d'aurores sur Saturne et de rajeunissement cellulaire. Nucléaire, naine blanche, Saturne et cellules reprogrammées, c'est le riche programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme ô combien foisonnant, de nouvelles voix que nous sommes ravis d'accueillir à cette table. Bonjour Benoît Tonson. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Chef de rubrique science du site The Conversation, bonjour Alessandro Roussel. Bonjour. Soyez les bienvenus tous les deux, vous êtes auteur de l'excellente chaîne YouTube Science Click, dont nous vous mettons évidemment le lien sur notre feed Twitter et que je vous conseille très chaleureusement. Et l'atelière Mathilde Fontaise, bonjour Mathilde. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Rédactrice en chef du non moins excellent magazine Epsilon, une tôlière en appelle une autre, celle qui tient les murs de l'actualité scientifique jour après jour contre vents et marées. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Science Translational Medicine. Il serait possible de convertir le groupe sanguin d'un organe pour le rendre universel. L'un des problèmes pour le don et pour la greffe d'organes, c'est comme pour le sang, c'est l'incompatibilité des groupes sanguins. Les groupes ABO sont présents sur les globules rouges, mais aussi sur les organes. Et pour ne pas s'exposer à un rejet aigu, il faut donc respecter la compatibilité des groupes sanguins, ce qui est un obstacle de plus dans un contexte de pénurie d'organes. Alors cette équipe américaine a prolongé ce qui avait déjà été fait pour les globules rouges. Et l'idée, c'est de transformer, grâce à des enzymes, un poumon A en poumon O. Sur des poumons de donneurs humains, les chercheurs ont appliqué un traitement enzymatique qui va éliminer les antigènes AB, qui sont des sucres, et qui sont exprimés à la surface des cellules de l'organe. Ils ont ensuite simulé une greffe avec une perfusion pulmonaire ex vivo. Il y a encore du chemin à parcourir, mais c'est un pas en avant. Jacques Chiaroni est directeur de l'établissement français du sang provençal, Côte d'Azur et Corse. Alors là, les antigènes A et B, qui sont des sucres, s'expriment sur les cellules de l'organe et on va utiliser des enzymes que l'on appelle des glycosidases, parce que, comme leur nom l'indique, vont couper des glucides et qui vont couper spécifiquement le sucre A, qui est d'ailleurs, d'un point de vue scientifique, une N-acétylgalactosamine, et on va prendre une enzyme qui va couper spécifiquement ce sucre, et une enzyme qui va couper spécifiquement le sucre B, qui est un galactose. Et c'est grâce à ces enzymes, et en particulier ces enzymes de nouvelle génération, qui permettent de décaper cet organe, et en l'occurrence un poumon, de façon à couper ces sucres qui pourraient être incompatibles vis-à-vis des anticorps présent chez le patient. Alors évidemment, la question qui se pose aujourd'hui dans cette étude, et d'ailleurs c'est mentionné comme cela, c'est que les résultats sont encourageants parce que quand on confronte ce poumon A décapé en haut et qu'on le confronte à un plasma où il existe des anticorps, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas d'activation du complément, qui sont des réactions nocives. Donc, ce qui laisse présager des résultats encourageants. Toutefois, et c'est ce qui est dit, il faut maintenant passer à l'expérimentation animale, notamment sur des souris, pour voir ce qui se passe in vivo, pour voir si les observations qui ont été constatées entre ce poumon et ce plasma sont confirmées, et notamment, un élément qui est important, voir si, à distance de la greffe, l'organe incompatible ne se remet pas à exprimer les antigènes que l'on a décapés, parce que la cellule va continuer à vivre. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont évidemment à mesurer, et la prochaine étape qui est envisagée, donc une étape importante. Et je dois dire, c'est vrai que ces études, que ce soit pour la transfusion ou que ce soit pour la greffe d'organes, ce sont des perspectives, notamment pour la greffe d'organes, qui sont extrêmement importantes et qui, évidemment, vont contribuer à augmenter les chances de trouver un organe compatible pour de nombreux patients. Voilà, et vous pouvez retrouver cette étude comme toutes celles du Journal des Sciences et celles qui vont être évoquées au cours de cette heure, comme chaque jour sur notre fil Twitter, @laméthodeFC. En bref, Natacha, selon une étude parue dans la revue Nature, pour la première fois, l'intelligence artificielle vient au secours de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, cette source d'énergie relativement propre, bon marché et quasi inépuisable. L'un des principaux défis consiste à maintenir un plasma à haute température dans la cuve d'un tokamak. Et c'est là que DeepMind intervient. Les chercheurs ont créé un réseau de neurones pour contrôler les champs magnétiques à l'intérieur d'un réacteur. Par deep learning, par apprentissage, par renforcement profond, l'IA a appris à contrôler les 18 bobines magnétiques du tokamak de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et dans une expérience réelle, l'IA est parvenue à contenir au mieux le plasma et l'a maintenu pendant environ 2 secondes à l'intérieur du réacteur. Voilà, comme chaque vendredi, nous mettons en avant une étude sortie des laboratoires français, avec aujourd'hui une étude parue dans la revue Current Biology, étude selon laquelle les chercheurs ont réussi à déterminer à partir de quand la conscience parvient aux nourrissons. Et c'est une question que tous les parents se posent. Est-ce que les bébés sont conscients et perçoivent-ils le monde de la même façon que nous, les adultes? Alors pour y répondre, une équipe du CNRS a mesuré un effet cognitif que l'on appelle le clignement attentionnel. Cet effet est lié à une perception consciente du monde. Alors ce qui se passe pendant le clignement attentionnel, c'est que pendant que l'on est occupé à traiter un premier stimulus visuel, notre système est aveugle pendant une très courte durée à traiter d'autres stimulus qui arrivent sous nos yeux, comme un clignement de l'œil. Alors chez les adultes, on le mesure en faisant défiler des chiffres et des lettres à différentes vitesses. Alors chez le bébé, on n'utilise pas des chiffres et des lettres, mais des images de visage, car on sait qu'ils sont particulièrement attirés par les visages. Jean-Rémy Hochmann est chercheur CNRS à l'Institut des sciences cognitives Marc Gendreau à Bron. Il est l'auteur de cette étude. Ce qu'on a fait, c'est de présenter dans 3 petites fenêtres sur un écran d'ordinateur des images qui apparaissent de manière séquentielle assez rapide. Et puis parmi ces visages, dans la plupart des images, n'ont aucune valeur particulière, aucune signification particulière. Mais parmi ces images, il y a 2 visages qui vont apparaître. Le premier visage apparaît au centre, et puis le deuxième visage va apparaître à gauche ou à droite. Alors quelle est l'idée? C'est que si le bébé regarde l'image au centre, il voit le premier visage. Et s'il voit le deuxième visage, il devrait regarder dans la direction de ce deuxième visage. Donc si le visage apparaît à gauche, il devrait regarder à gauche. S'il apparaît à droite, il devrait regarder à droite. Et donc on va pouvoir mesurer comme ça, avoir une indication de la détection de ce deuxième visage. Et donc ce qu'on va faire, c'est varier le délai entre le premier et le deuxième visage, afin de voir si ce délai prédit la probabilité du bébé à détecter le deuxième visage. Et donc ce qu'on a pu observer comme ça, c'est que les bébés très jeunes, donc à l'âge de 5 mois, vont très bien voir le deuxième visage s'il apparaît assez longtemps après le premier, donc par exemple au bout de 2 secondes. Mais s'il apparaît autour de 900 millisecondes après le premier visage, les bébés ne semblent pas le voir. Ils vont regarder à gauche, à droite de manière complètement aléatoire. Et ça suggère ça, donc, que le clignement attentionnel est présent chez le bébé de 5 mois, mais dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on a pu observer chez l'adulte. Il dure ici au moins 900 millisecondes. Cette durée du clignement attentionnel, on voit qu'à 5 mois, elle est quelque chose comme 6 fois plus longue que chez l'adulte. À 8 mois, elle a déjà énormément accéléré. Donc, on voit un développement entre 5 et 8 mois qui est très intéressant parce qu'il est vraiment extrêmement rapide. Et par contre, à 3 ans, on obtient des mesures qui sont à peu près équivalentes à ce qu'on a pu trouver chez l'adulte dans le même paradigme, ce qui suggère que peut-être cette maturation est terminée vers l'âge de 3 ans et que la perception consciente du monde est à peu près similaire à 3 ans que chez l'adulte. Également dans l'actualité des sciences cette semaine, en ultra bref. Hier, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un cas de polio a été détecté en Afrique, au Malawi. Le premier cas depuis plus de 5 ans sur le continent. Alors, si 2 autres types de polio ont été éradiqués depuis 2015, grâce à la vaccination, le poliovirus sauvage de type 1 circule toujours. L'OMS va augmenter la vaccination dans ce pays et les pays voisins. Mercredi, Toulouse a accueilli le Space Summit, organisé par l'Agence spatiale européenne. Le sommet de l'espace a réuni les 27 ministres des Finances de l'Union européenne. L'objectif était de renforcer une Europe spatiale plus indépendante et plus ambitieuse. Emmanuel Macron a annoncé la possibilité pour l'Europe de lancer son propre vol habité à destination de la Lune, voire de Mars. Et enfin cette semaine, on découvre que l'adage « ce qui ne tue pas rend plus fort » est particulièrement vrai chez les moustiques. Une expérience en laboratoire avec 200 spécimens montre que les moustiques ont appris à éviter les pesticides. Si un moustique est exposé à une seule dose non létale, il est alors capable d'adapter son comportement et d'éviter ce produit mortel. Et on termine comme chaque vendredi par notre rubrique de sciences improbables. Une étude parue dans la revue Antiquity. Dans cette étude, les anthropologues ont découvert des brochettes de vertèbres humaines. Et dans la vallée de Chincha au Pérou, sur une vingtaine de sites, les chercheurs ont découvert 192 brochettes de vertèbres enfilées sur des tiges de roseaux, comme des perles sur un fil. Des ossements qui datent de 1520 à 1550 et des roseaux qui, eux, datent de 1550 à 1590. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que ces roseaux sont là pour restituer l'intégrité anatomique des défunts après le saccage des sépultures avec l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Ou peut-être que ce sont des ochers pour les rituels et cérémonies, ou encore des trophées de guerre. Ces brochettes de vertèbres restent mystérieuses. Mais je sais à quoi vous pensez, Nicolas, ce ne sont pas les restes d'un barbecue cannibale. Pourtant une bonne alternative à la chipo aux herbes. Bon appétit. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et dans l'actualité scientifique, cette semaine, c'est le grand retour du nucléaire après des années d'ostracisme suite aux catastrophes de Tchernobyl en 86 et de Fukushima en 2011. L'énergie nucléaire fait son grand retour en France dans le débat public avec ce classement qui a fait grincer un certain nombre de dents par l'Union européenne de l'électricité issue du nucléaire comme énergie verte. Et les annonces du chef de l'État de la construction de 6 nouveaux EPR deuxième génération alors qu'il avait été élu sur la fermeture des plus anciennes centrales jugées dangereuses en termes de sécurité. Ces questions, eh bien, pourraient être débattues sereinement en évaluant les bénéfices et les risques. Mais en France, débattre du nucléaire, ça vire rapidement à la foire d'empoigne. Écoutez comment le sujet a été traité dans les médias ces derniers jours dans ce montage signé Olivier Bétard. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Ce qu'il s'agit de faire là, c'est de garantir l'avenir énergétique bas pays et un avenir énergétique bas carbone. C'est juste une partie de l'avenir de la France qui se joue. Mais donc là aussi, vous garantissez l'exécution des prochains EPR, vous garantissez aussi le bilan d'EDF, vos finances. Vous avez les reins assez solides pour porter cette nouvelle feuille de route énergétique. Nous travaillons avec l'État. Parce qu'elle est renouvelable aussi. Nous travaillons avec l'État qui participera significativement à ce financement avec nous. J'ai confiance dans cette capacité que nous avons à construire industriellement, humainement, financièrement ce programme. C'est un peu un cadeau de nouvelle année rêvé pour les filières du nucléaire et du gaz en Europe. La Commission de Bruxelles a décidé de classer comme durable les investissements dans ces deux secteurs pour produire de l'électricité. Le chef de l'État a en tout cas promis des dizaines de milliards de l'État pour soutenir EDF et la filière. Faire en 30 ans de la France le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Quoi qu'il en soit, les défenseurs de l'environnement dénoncent le discours du président. Pour Greenpeace, Emmanuel Macron a fait le choix du fiasco du nucléaire. Le choix que la France doit faire, c'est est-ce qu'on investit dans le nucléaire ? Est-ce qu'on investit dans les énergies renouvelables ? Le nucléaire que propose Macron est deux fois plus cher que l'électricité renouvelable que je propose. Voilà un résumé des propos tenus autour du nucléaire ces dernières semaines avec ces deux actualités. Donc, la question que nous voulions poser aujourd'hui avec nos camarades de la presse et de la vulgarisation scientifique, c'est comment se fait-il et comment expliquer qu'il soit si compliqué de débattre sereinement du nucléaire en France ? On pourrait estimer que bien il y a un certain nombre d'arguments qui sont des arguments factuels pour ou contre autour de l'extraction, de l'enfouissement des déchets, du coût de cette énergie. Mais malheureusement, souvent le nucléaire, et on en rigolait avec Mathilde Fontaine tout à l'heure en disant qu'après ce débat, nous allions recevoir des quantités de mails d'insultes de gens nous traitant à la fois de pro et d'anti-nucléaire. Nous ne nous prononcerons évidemment pas sur cette question, mais ce qui montre que ce débat est très sensible et très polarisé. Comment vous l'expliquez, Mathilde ? Je vais enfoncer une porte ouverte, mais parce qu'il s'agit d'un sujet éminemment politique. Et pourquoi c'est un sujet éminemment politique ? Je pense que l'une des réponses, c'est que c'est que pour développer le nucléaire, il a fallu développer un savoir-faire ingénierique assez spécifique, tout à fait complexe, et que ça a demandé beaucoup de temps. Et ça fait de cette industrie une industrie un peu particulière qui a nécessité une prise de position politique à un moment donné, on sait très bien, et qui du coup après derrière déroule un plan sur des dizaines d'années pour un pays. On en arrive à un moment qui est considéré par tous opportunément parce que c'est l'élection présidentielle comme le moment où on doit décider de l'avenir énergétique de la France pour les 30 prochaines années, ce qui est en partie vrai puisqu'on sait que les centrales nucléaires actuelles sont arrivées pour certaines à la fin de leur vie, ce qui est en partie faux, puisqu'on sait aussi qu'on peut prolonger la vie d'une centrale nucléaire tout en essayant d'améliorer, de les réparer. Et que ça a un certain coût, par ailleurs. Et que ça a, par ailleurs, un certain coût. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on est dans un sujet qui est, de toute façon, politique et qui est complexe. Et c'est vrai qu'on... J'ai ramené deux pages d'Epsilon, puisqu'on a parlé d'Epsilon, évidemment, du nucléaire ces derniers mois. Et en fait, on l'a abordé sous la forme d'une page qui s'appelle, qu'on a dans notre magazine tous les mois, qui s'appelle Labyrinthe, et qui commence par le casse-tête du... Ça peut être le casse-tête des éoliennes, ça peut être un autre sujet énergique qu'on pourrait traiter comme ça. Et on a choisi de traiter nucléaire en casse-tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un sujet dont on peut pas s'emparer en le vulgarisant comme les autres, je trouve. On peut vulgariser, par exemple, on fait beaucoup d'efforts pour vulgariser la physique quantique, pour essayer d'extraire la simplicité de cette théorie et essayer de la faire comprendre. Et c'est un peu notre boulot en tant que journaliste scientifique. Et j'ai l'impression que sur ce sujet-là du nucléaire, comme sur certains autres, c'est au contraire, on peut pas extraire la complexité. On est obligé en tant que journaliste scientifique, au contraire, de montrer la complexité, de montrer l'intrication de tous les sujets. Et cet aspect politique qui est exhausté, exacerbé par l'élection présidentielle, rend l'atmosphère électrique. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais c'est intéressant, Benoît Tonson, parce que une fois de plus, notre travail de journaliste et de vulgarisateur scientifique serait non pas de se prononcer pour ou contre, mais d'examiner simplement, bien par exemple, le problème du démantèlement, mais également le fait que notre énergie française est extrêmement décarbonée grâce au nucléaire et que, bien comme dans beaucoup de sujets qui sont des sujets liés à la politique de la recherche, il y a des bénéfices et des risques, et que ces bénéfices et ces risques peuvent être examinés calmement. Mais calmement, c'est rarement le cas à propos du nucléaire. Comment est-ce que vous le comprenez, vous ? C'est vrai que Mathilde l'a un peu dit. Je crois que la France, on a une certaine... on est très fiers de notre nucléaire. Et on a fait ce choix-là. On est à peu près à 70% de notre électricité qui est lié au nucléaire. Donc c'est vrai que maintenant vouloir en sortir, ça paraît un petit peu compliqué. Et c'est vrai que d'un point de vue du journalisme scientifique, c'est vrai qu'on pourrait expliquer comment ça marche une centrale, etc. Mais c'est des sujets finalement, ça ok, on peut se mettre d'accord, c'est relativement pas trop compliqué à faire d'ailleurs. Ce qu'on fait par ailleurs, ou quand on parle des réacteurs de fusion, d'ITER, ou justement de la façon dont les EPR fonctionnent. Mais ouais, dès qu'on aborde ces sujets-là, on est tout de suite accusé très rapidement par des auditeurs, de faire la promotion de cette énergie. Et donc un petit peu ce qu'on a essayé de faire, nous, à The Conversation, c'est que c'est ma collègue Jennifer Gallet là, qui est en charge de la rubrique environnement et énergie qui suit ces sujets plus précisément, plus que la rubrique science dont je m'occupe. Et en fait, notre technique, c'est un petit peu de convoquer énormément d'expertises différentes. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, ouais, c'est ce sujet, ça, évidemment, ça touche les physiciens, mais les économistes, les politologues, les sociologues, évidemment, doivent être convoqués. Et donc, c'est un petit peu ce parti pris qui a été suivi d'arriver à mêler différentes expertises pour arriver à donner le pour, le contre, etc. Alessandro Roussel, vous, comment est-ce que vous le traiteriez? Comment est-ce que vous aborderiez sur Science Click, par exemple, ce sujet-là? Vraiment d'un point de vue stricto sensu scientifique de dire voilà comment fonctionne un réacteur? Ou est-ce que sur ces sujets-là, on est obligé de déborder le strict cadre de la vulgarisation scientifique pour bien apporter des éléments d'évaluation qui peuvent être, comme le disait Benoît, sociologiques, économiques ou politiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, en fait, le rôle, il doit être double. Et je pense que c'est très important de séparer d'un côté la vulgarisation sur les phénomènes physiques. Donc par exemple, la fission nucléaire, comment ça marche à l'échelle des atomes, démystifier un peu le fonctionnement d'une centrale. Et ça de façon complètement objective. Et puis, dans un second temps, mettre en garde sur les problèmes de l'urgence climatique, quels sont les pour et les contre de l'énergie, mais tout en restant objectif pour que chacun se fasse sa propre vision et sa propre opinion sur le sujet. Et en fait, je pense que selon moi, ça dépend beaucoup des priorités qu'on veut se fixer. Si on veut, si notre objectif c'est de décarboner le plus vite possible, dans ce cas, il y a beaucoup de pour le dans l'avantage du nucléaire. Par contre, si notre objectif c'est de développer une société qui soit plus durable sur le long terme, alors dans ce cas, il faut rappeler, c'est important de rappeler que le nucléaire c'est pas une énergie durable dans le sens où il faut extraire des, des matières premières, ça génère des déchets qui après restent pour une durée qui est virtuellement infinie à l'échelle de l'homme. Et donc, je pense que c'est important, voilà, de peser le pour et le contre, mais tout en restant très objectif, très très factuel, et sans masquer les aspects négatifs, parce qu'il n'y a aucune source d'énergie qui sera uniquement positive. Il y aura forcément des points positifs, des points négatifs. Mais de comparer avec les autres énergies fossiles, de faire un bilan très objectif, je pense que ça peut aider chacun à se faire après sa propre opinion sur le sujet. Je pense à quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, hein, voilà, est une voix qui polarise aussi beaucoup le débat, mais qui dit qu'aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est-à-dire que on n'a pas, pour produire de l'électricité, pour faire face à l'augmentation de la demande d'énergie, avant d'arriver à une forme de sobriété, il va falloir utiliser le nucléaire comme énergie de transition. Cette voie-là, elle est Jean-Marc Jancovici a beaucoup beaucoup de soutien. Il se dit être justement la voie de la raison scientifique, mais on voit bien que même là-dedans, il y a une part de politique qui est vraiment totalement indémêlable de la question de cette transition énergétique, Mathilde. Oui, bah de toute façon, la question de est-ce que on peut se passer totalement du nucléaire dans deux semaines, elle est éminemment économique en fait aussi. Mmh. Et donc de fait, on est obligé de prendre des positions de manière économique et politique en y répondant. On peut tout à fait répondre oui à cette question. Si on met des milliards sur la table, il y a aucune raison qu'on puisse pas se débrouiller pour réussir à faire fonctionner les choses sans le nucléaire. Il y a des modélisations qui le montrent, mais en plus, je suis même assez dérangée par le fait qu'on puisse faire appel à ces modélisations pour justifier le fait qu'on puisse se passer du nucléaire, puisque quelque part, ces modélisations sont dépendantes d'un investissement qui va être réalisé, et à chaque fois de décisions économiques. Et c'est un débat qu'on a eu récemment, juste cette semaine, à la rédaction d'Epsilon, de savoir est-ce que, par exemple, on a une rubrique dans le magazine qui est formulée tous les mois sur une question. Est-ce qu'on pose cette question? Peut-on se passer du nucléaire? Et est-ce qu'on y répond comme ça, frontalement? Et on s'est dit, on va peut-être pas faire ça parce qu'en fait, on a déjà un agenda caché quand on pose cette question. Pourquoi est-ce que ce mois-ci, dans ce cas-là, on pose pas la question « peut-on fonctionner uniquement avec des éoliennes ?» Ou pourquoi ce mois-ci ne pose-t-on pas la question, je ne sais pas moi, « peut-on faire des centrales à charbon non polluantes ?» J'ai l'impression que finalement, la meilleure réponse, c'est quelque part d'ouvrir un peu toutes les portes sur ces sujets-là, tout le temps, sans cesse, d'agiter toutes les questions, sans se retenir non plus, quand l'occasion se présente, d'être aussi dans un progressisme enthousiaste. On l'a fait à propos des mini nucléaires. Il y a des années, à l'époque, j'étais dans un autre journal. On a fait un papier pour saluer l'arrivée de ces technologies des micro centrales, dont on a beaucoup parlé, des mini centrales dont on a beaucoup parlé cette année, et qui représentent beaucoup d'avantages techniques par rapport à des grosses centrales. C'était un développement technologique qui avait été réalisé, dont on voulait rendre compte. Et là, on en a parlé comme on parlerait de la fusion. On n'a pas pris plus de pincettes que ça parce qu'il s'agissait du nucléaire. C'était une techno qui arrivait. On l'a décrite en tant que telle. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat et. Bon courage pour y répondre. Est-ce que notre position en tant que vulgarisateur et journaliste scientifique, c'est de prendre position et de dire, voilà, si on observe scientifiquement le rapport bénéfice-risque, eh bien, c'est pour, en faveur du nucléaire, temporairement, parce que les accidents, parce que on n'a pas le choix, parce que c'est une technologie qu'on maîtrise, ou c'est au contraire de dire, bah, le risque est finalement beaucoup plus élevé que le bénéfice. Enfin, est-ce que, à votre avis, notre mission est... en tant que journaliste et vulgarisateur, bien de prendre parti dans ce débat. Benoît Tanson. Je suis pas sûr, parce que c'est vrai que de toute façon, là je pense que dans un débat comme ça, il y a tellement de biais cognitifs, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Évidemment, on va essayer de faire le papier le plus objectif possible, mais les pros vont récupérer les arguments pros et les anti, les arguments anti. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on entend ce discours-là, hein, notamment par exemple chez Jancovici, on entend ce discours de dire si on examine le nucléaire d'un strict point de vue scientifique, alors on est pour. En fait, on entend quand même beaucoup ce discours-là. Ouais, mais Après, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que sur le jour J, quand la centrale fonctionne, etc., ça émet assez peu de carbone. Donc finalement, c'est un peu le gros problème qu'on a actuellement. Mais c'est vrai que toujours en balance, c'est ces déchets dont on ne sait pas vraiment quoi faire, avec des solutions dont on se dit... là, c'est l'Union européenne là, qui disait ça, que visiblement, le fait de les enfouir, c'était la meilleure solution pour éviter de trop polluer. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Parce que ensuite, en 100 000 ans, ça peut durer. L'argument qu'on vous oppose, c'est qu'on enfouit certes, mais la quantité de déchets qu'on enfouit est extrêmement faible, extrêmement petite à la hauteur de l'énergie qui est produite. Oui, sans doute, mais c'est vrai qu'après, si on habite là localement, c'est peut-être aussi... Si on habite à côté de Bure, on est moins content. C'est problématique. Alessandro, est-ce qu'il faut prendre parti ou pas, à votre avis? Selon moi, il faut pas spécialement prendre parti en posant la question de cette façon. Selon moi, c'est important de d'abord préciser les priorités qu'on se fixe, parce que la conclusion sera pas la même en fonction de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Si l'objectif, comme je disais, c'est uniquement de décarboner, dans ce cas, effectivement, on se fixe cet objectif et après on peut faire une étude scientifique vraiment objective pour atteindre une conclusion. Mais voilà, après, je pense qu'au niveau des déchets, il faut aussi voir que le CO2 produit par les autres formes d'énergie, c'est aussi un déchet, mais qui lui est moins simple à gérer parce qu'il est c'est un gaz qui se propage dans l'atmosphère et c'est justement le problème des énergies fossiles. La limite, là, on a un déchet qui est solide et qui est gérable plus facilement, justement parce qu'il est solide. Donc c'est plein de questions à étudier d'un point de vue scientifique. Mais je pense que c'est plutôt le rôle des chercheurs d'arriver à des conclusions, et ensuite le rôle du vulgarisateur, en tout cas, moi je parle en tant que vulgarisateur, selon moi le rôle c'est uniquement de faire le lien entre le grand public et la parole des chercheurs. C'est-à-dire de donner objectivement des éléments pour que chacun puisse se faire son opinion objectif en se disant bah oui, l'extraction c'est problématique politiquement, économiquement, en termes de bilan carbone aussi c'est problématique, l'enfouissement c'est problématique, mais par ailleurs l'électricité produite de facto nous permet aujourd'hui d'être d'un pays avec l'électricité la plus verte, l'un des pays avec l'électricité la plus décarbonée, parce que verte c'est évidemment un mot à bannir, mais la plus décarbonée d'Europe. C'est ça, laisser l'intelligence au lecteur, à l'auditeur, et lui fournir de l'info, en fait. Notre travail, c'est de fournir de l'info, et on peut proposer une analyse. Et j'irais même, il y a quelque chose auquel je pense quand on parle de ça, c'est ce sujet-là précisément du nucléaire, il est un peu touchy pour les journalistes scientifiques, qui sont quand même quelque part, notre travail, c'est aussi... sans être scientiste à mort, mais c'est aussi de valoriser cette idée du progrès par la science et de valoriser les progrès techniques, etc. Et le nucléaire est en ce sens presque un emblème d'un moyen d'action qu'a trouvé l'homme. Et c'est difficile c'est difficile pour un journaliste scientifique de pas être contaminé de la technologie. Par la séduction de la technologie, par cet emblème-là. Et je pense que la solution, effectivement, vous parliez tout à l'heure de enfouir les déchets, c'est simple, etc. On a fait tout un papier en linguistique, juste linguistique, sur des chercheurs qui travaillent. Comment est-ce qu'on prévient les gens pour dans 10 000 ans? Oui. Pour qu'ils comprennent le message qui leur dit « c'est radioactif, ne touche pas ». Rien que ça, c'est un problème incommensurable. Rien que ça nécessite des travaux de recherche poussés aujourd'hui. Je pense que c'est en déclinant ces angles-là, en fait, en tant que journaliste scientifique, et en les multipliant, sans éluder le sujet, et en présentant les choses, présentant le travail de recherche, qu'on peut s'en sortir sur ces sujets-là. Et c'est vrai que si on commence à prendre position, j'ai l'impression qu'on est mort. Non. Je crois que c'est ça, oui. Souvent, on arrive à poser les bonnes questions et pour éclairer facilement. Eh bien, nous espérons que notre discussion et la façon dont nous-mêmes nous cherchons, parce que nous cherchons, nous n'avons pas de réponse toute établie sur ces questions-là, vous aura éclairé. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire sur cette question. Nous savons que vous avez déjà commencé. Tell me what's your everything. I show you how you can be. There's Some Days des Attic Birds en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous sommes le vendredi 18 février. Vous êtes bien sur France Culture. Il est 16h30. Nous passons à nos trois dossiers du jour. Le premier, dans la quête des exoplanètes depuis 1995, ont été découvertes tout type de planètes, tout type de systèmes autour de tout type d'étoiles, des naines rouges comme Trappist, des naines jaunes, des géantes rouges, des étoiles en vie qui continuent de consommer leur hélium et leur hydrogène. Or, c'est un tout nouveau type de système planétaire qui vient d'être découvert et c'est absolument passionnant, une étoile de type Jupiter qui orbite autour d'une naine blanche, c'est-à-dire Mathilde, d'une étoile morte. C'est-à-dire d'une étoile morte. C'est une petite planète, enfin une grosse planète, qui a survécu à l'apocalypse. C'est l'avenir qui nous est destiné. Nous, la Terre, on se situe suffisamment proche de notre, enfin juste à la limite en fait, qui va être englobée par la naine rouge que va devenir notre Soleil lorsqu'il va mourir. La géante rouge, que va devenir notre Soleil lorsqu'il va mourir. Il va gonfler jusqu'à Mars à peu près. Il va gonfler jusqu'à Mars et ensuite il va se rétracter. Alors il y a débat sur le fait de savoir si la Terre va être happé ou pas dans la fournaise. Ensuite, les étoiles effectivement se rétractent. Et qu'est-ce qui reste autour? Eh bien, parfois, c'était l'hypothèse, il peut rester certaines des planètes. Alors, cette hypothèse, elle avait été modélisée. Et puis surtout, elle avait été étayée par des observations depuis le début des années 2000. Parce qu'on avait notamment vu dans l'atmosphère de ces géantes, de ces naines blanches, je vais y arriver. On avait vu dans l'atmosphère de ces naines blanches des éléments comme le fer, le silicium, le calcium, qui ne sont pas des éléments typiques dans l'atmosphère de ces étoiles. Et on s'était déjà dit qu'il devait s'agir forcément de morceaux de comètes, de morceaux d'astéroïdes, et pourquoi pas de morceaux de planètes qui continuaient à tomber après. Le gros cataclysme de la mort de l'étoile lorsqu'elle arrive à court de carburant, ce qui nous arrivera dans 5 milliards d'années à peu près. Ça laisse le temps de voir. Ça nous laisse le temps de voir venir et de nous détruire nous-mêmes si on le souhaite avant. Et en fait, on soupçonnait l'existence de ces planètes et il y avait eu aussi des indices. Et ça s'accélère depuis ces dernières années. Alors c'est super difficile à voir, on imagine bien. Donc il y avait eu plusieurs découvertes à la suite en fait. D'abord une découverte de petits morceaux, de petits débris comme ça qui avaient laissé penser qu'il pouvait y avoir quelque chose. Il y avait eu ces observations aussi de disques autour de ces naines blanches en fait qui montraient que après la mort de l'étoile, la matière peut continuer de tourner éventuellement, voilà. Et puis il y a cette découverte qui a été faite donc par une équipe française de l'Institut d'astrophysique de Paris d'une planète qui s'appelle, alors je vais y arriver, MOA 2010 BLG 47 LB. Voilà. C'est ça. Et cette planète qui est très lointaine, en fait, elle est située à 6500 années-lumière de la Terre. Elle a été vue grâce à cette technique de l'aide lentilles gravitationnelles et qui permet comme ça d'avoir des effets loupes et de voir les choses. Et on la découvre comme ça, cette petite Jupiter, à 3 unités astronomiques, donc à l'endroit où se situent actuellement les géantes. Et elle tourne comme ça paisiblement après la mort de son étoile autour d'elle. Donc ce qui laisse penser qu'en fait, il pourrait y avoir comme ça une seconde vie des systèmes planétaires autour des étoiles mortes. Ce qui est passionnant, c'est que c'est des observations très difficiles parce que les naines blanches sont quand même beaucoup, beaucoup moins lumineuses que les étoiles en vie. Et donc, c'est vraiment une sorte de coup de bol d'avoir réussi à tomber sur cette planète. Oui, c'est un incroyable coup de bol. Il a fallu qu'elle éclipse comme ça, qu'elle soit rendue visible en passant devant une autre étoile. Mais c'est un incroyable coup de bol, mais c'est à la fois un avantage, cette faible luminosité, puisqu'on sait que... Parce qu'en fait, on commence à fantasmer, là, les astrophysiciens commencent à fantasmer quand même pas mal... Alors, si on peut dire que les astrophysiciens fantasment, ils fantasment raisonnablement comme des scientifiques, bien évidemment. Mais, comme tout le monde. Mais on commence à imaginer tout de même qu'il puisse y avoir des géantes donc, qui sont plus lointaines que les telluriques dans la plupart des systèmes, encore que les planètes peuvent migrer comme ça. Mais mettons que les géantes sont un peu plus lointaines, donc elles peuvent survivre à la mort de leur étoile. Et puis, dans un second temps, on pense aussi, et ça des modèles le montrent, des modèles assez récents, montrent qu'aussi, il peut y avoir même la naissance de nouvelles planètes autour d'étoiles mortes, puisque donc il reste de la matière après. Il y en a une partie qui est absorbée par l'étoile, mais une partie reste comme ça dans un disque autour de l'étoile. Et pourquoi pas? Les modèles montrent que c'est possible. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'agglomérer et puis finalement former une planète? La modélisation qui a été faite par Sébastien Charnos, par exemple, montre que ces planètes peuvent... Une planète de 10 fois la masse de la Terre, par exemple, après la mort de son étoile, etc., pourrait se réagglomérer en une planète de la taille de la Terre. Et donc on peut comme ça façonner des systèmes en quelque sorte de deuxième génération, voire une cohabitation de système de reste de la première génération et de la et d'une deuxième génération et les mettre autour d'une étoile. Et ce qui est assez excitant dans cette histoire aussi, c'est que donc d'un point de vue observationnel, certes, c'est très difficile de détecter ces planètes aujourd'hui, mais par contre, grâce à la faible luminosité de l'étoile, on peut espérer pouvoir étudier leur atmosphère. Puisqu'on sait que plus une étoile est lumineuse, plus il est difficile d'avoir accès à une étude fine de l'atmosphère, même avec le plus puissant des télescopes, par exemple, je ne sais pas, au hasard, JWST qui vient de partir dans l'espace. Au hasard. Et donc, il a été modélisé que, d'une part, avec l'observatoire Vera Rubin, qui va voir le jour, enfin, qui va voir les étoiles, en l'occurrence, à la fin de l'année, et qui pourra détecter. Au Chili. Il ciblera les naines blanches, ces astres faibles-là, qui pourra détecter beaucoup de naines blanches et trouver des candidats pour JWST. Et dans un second temps, JWST pourra cibler ces candidats pour aller voir si, oui ou non, il pourrait y avoir, enfin, en tout cas, avoir l'état de leur atmosphère, sans même parler encore d'y chercher des signes d'une éventuelle habitabilité ou biosignature. Mais ce qui est passionnant, Mathilde, c'est que, donc, du coup, dans ces espèces de systèmes de deuxième vie ou de seconde chance, donc, il y a la possibilité, effectivement, d'agréger, c'est-à-dire avec les restes des planètes qui ont été détruites, de nouvelles planètes, donc de former un nouveau système. Et du coup, évidemment, la question, c'est de se dire, est-ce que il peut y avoir, avec ces étoiles qui sont beaucoup moins lumineuses et donc qui émettent beaucoup moins de chaleur, néanmoins, une notion de zone d'habitabilité, c'est-à-dire un endroit où on pourrait trouver de l'eau liquide, c'est-à-dire avoir des planètes habitables autour d'une naine blanche? C'est envisagé, c'est envisageable ou c'est de la science-fiction? Non, c'est envisageable. En fait, c'est une question scientifique. Et on se la pose, vous avez cité tout à l'heure le cas des naines rouges, ces petites étoiles, hein, comme le système Trappiste, voilà, qui fait. Et déjà, la question de la zone habitable autour de ces petites étoiles est une question complexe. Une question qui est beaucoup étudiée aujourd'hui, de savoir si ces étoiles qui sont très éruptives, qui envoient beaucoup de rayonnement X, beaucoup de rayonnement UV, est-ce que ils vont permettre, comme ça, à une planète, de pouvoir avoir une atmosphère, notamment, sachant que ces planètes doivent être très très près de leur étoile, puisque ces étoiles sont très très faibles. Donc pour une naine blanche, il faut... On rappelle que le système Trappiste, l'ensemble des sept planètes est contenu dans l'équivalent de la distance entre Mercure et le Soleil. Donc elles sont très très très proches de leur étoile. Elles sont très très très proches de leur étoile. Mmh. De fait, elles sont synchronisées, leur rotation est synchronisée sur la rotation de leur étoile, ce qui veut dire qu'elles présentent toujours la même face à leur étoile. Ce qui veut dire que d'un point de vue climatique, c'est des climats tout à fait spéciaux, avec, on peut imaginer des effets comme ça de serre qui se forme avec des nuages permanents du côté nuit. On peut imaginer toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de modèles qui sont en train d'étudier ces questions et qui, pour beaucoup quand même, visent à essayer de comprendre, de savoir s'il y a une possibilité ou pas d'eau liquide en surface, sachant qu'on sait très bien que c'est le critère numéro un pour essayer de pouvoir envisager qu'une planète soit habitable. Et pour les naines blanches, la question est exactement la même, puisque il faut que la planète, pour pouvoir être habitable dans le sens juste avoir le rayonnement qui convient pour qu'on puisse espérer peut-être, si elle a une atmosphère, avoir de l'eau en surface, il faut pour ça qu'elle soit 100 fois plus près que notre Terre ne l'est du Soleil. Donc c'est vraiment tout près, et donc toutes les questions qui se pose pour les naines rouges se pose aussi pour les naines blanches, avec une question supplémentaire qui est celle de l'évolution de cette étoile, puisque cette étoile morte est en train de refroidir paisiblement. Alors il y a des modèles qui montrent que peut-être elle perpétue quand même un petit peu de fusion nucléaire, mais très peu, et donc elle aura tendance à voir sa chaleur, sa luminosité baisser au fil du temps. Est-ce qu'elle peut rester chaude suffisamment longtemps pour que la vie émerge? C'est toute la question. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h40, deuxième dossier, on va rester dans l'espace, mais beaucoup plus près, dans notre système solaire, direction Saturne, où ont été détectées des aurores polaires, des aurores qui nous renseignent sur l'un des mystères de la planète aux anneaux, la difficulté que les astrophysiciennes et les astrophysiciens ont eu à déterminer la durée d'une journée saturnienne, Alessandro. C'est ça. Alors généralement, pour mesurer la vitesse de rotation d'une planète sur elle-même, on va prendre un objet de référence à sa surface, par exemple un cratère sur Mars, et regarder quand est-ce que ce cratère revient à sa position initiale pour en déterminer la durée d'une journée sur la planète. Le problème, c'est que pour les planètes gazeuses comme Saturne, qui n'ont pas de surface solide, on ne peut pas utiliser cette technique parce qu'on voit en surface uniquement des vents, des orages et des motifs qui changent au cours du temps. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le champ magnétique de Saturne, qui est généré dans son cœur par les mouvements de convection de l'hydrogène liquide, et qui tourne avec la planète, car il n'est pas parfaitement aligné avec son axe de rotation. Du coup, en tournant, Saturne entraîne son champ magnétique, qui lui-même entraîne des particules chargées, et ce mouvement des particules chargées génère des impulsions radio qu'on peut détecter de façon périodique, et donc la période de ces impulsions radio devrait correspondre à la période de rotation de Saturne. Alors, ces impulsions ne sont pas détectables depuis le sol terrestre, elles ne traversent pas l'atmosphère, mais elles peuvent être détectées depuis l'espace. Et en 1981, la sonde Voyager 2 qui arrive près de Saturne va justement mesurer ces impulsions radio pour déterminer la durée d'un jour sur Saturne. Et elle trouve une durée de 10 heures et 39 minutes. Ce qui est très étrange, c'est qu'en 2004, 20 ans plus tard, la sonde Cassini va effectuer ces mêmes mesures et cette fois-ci trouver 10 heures et 45 minutes, donc une période 6 minutes plus longue que 20 ans plus tôt. Alors on pourrait penser que la planète s'est ralentie tout simplement, mais c'est impossible, un ralentissement aussi rapide en si peu de temps, ça paraît complètement absurde. Et chose encore plus étrange, c'est que les périodes mesurées sont différentes entre le pôle nord et le pôle sud de Saturne. Donc visiblement, c'est le champ magnétique qui est perturbé et c'est pas la rotation de la planète. Alors comment expliquer ces variations de la période du champ magnétique ? Au départ, les chercheurs ont supposé que c'était une influence liée aux lunes de Saturne. Donc par exemple, les geysers d'Encelade, une petite lune de Saturne, diffusent des particules chargées tout autour de la planète. Et ces particules chargées pourraient exercer une sorte de friction sur le champ magnétique qui ralentirait le champ magnétique et le ferait glisser par rapport à la vraie rotation de la planète. Le problème, c'est que ces hypothèses semblent mal expliquer pourquoi on observe une différence entre le pôle nord et le pôle sud. Normalement, il devrait y avoir une symétrie entre les effets aux deux pôles. Alors une autre hypothèse que les chercheurs ont étudiée justement, c'est que ces variations ne proviennent pas d'un objet externe à Saturne, mais directement de variations dans l'atmosphère de Saturne, dans la zone où se forment les aurores polaires, qu'on appelle la zone aurorale ou la ionosphère. Et donc selon certains modèles, il pourrait exister un système de deux tourbillons dans la haute atmosphère du pôle Nord qui expliquerait ces variations. Alors l'idée, c'est que ces vents tourbillonnants entraînent les particules chargées avec eux, et ces particules chargées vont créer des courants électriques qui traversent le champ magnétique de la planète et ainsi ralentissent le champ magnétique et au passage génèrent des aurores polaires. Donc en fait, les particules chargées vont traverser le champ magnétique et au passage traverser l'atmosphère, exciter les atomes de l'atmosphère qui, en se désexcitant, vont émettre de la lumière. Alors de juin à août 2017, Mohamed Chaudhary et ses collaborateurs ont observé les aurores de Saturne dans le domaine de l'infrarouge au niveau du pôle Nord, en utilisant le télescope de l'observatoire Keck au sommet du Mauna Kea à Hawaï. Et leur idée, c'est de déterminer le mouvement des particules qui génèrent ces aurores en utilisant les raies d'émission des ions H3+, qui sont présents justement dans cette zone de l'atmosphère. Alors l'idée, c'est que ces raies d'émission, on les voit dans le spectre, et si elles sont décalées vers le rouge ou vers le bleu, ça nous indique si les ions, par effet Doppler, si les ions s'éloignent ou se rapprochent de la Terre. Et donc de cette façon, en effectuant la mesure à plusieurs instants, et de sorte à voir Saturne sous différents angles, les chercheurs ont pu tracer une carte de la vitesse en deux dimensions de ces ions à la surface de l'atmosphère, dans la haute atmosphère. Et résultat, ils observent que les ions suivent un mouvement de double tourbillon, exactement comme prédisait le modèle, la seconde hypothèse, avec des vitesses qui peuvent aller jusqu'à 3 km par seconde. Donc c'est vraiment des tourbillons extrêmement rapides qui emportent avec eux les particules chargées et génèrent des aurores. Alors cette observation permet d'éliminer toutes les autres hypothèses et de trancher une bonne fois pour toutes sur ce débat qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Les variations de périodicité du champ magnétique de Saturne sont dues au vent puissant et à la présence d'un double tourbillon dans sa haute atmosphère qu'on n'avait encore jamais observé. Ce double tourbillon génère les aurores polaires et entraîne avec lui les particules chargées et explique ainsi la formation de certaines aurores et les différences de périodicité qu'on observe sur le champ magnétique. Alors, pour conclure, il y a d'autres observations qui sont encore nécessaires pour aller plus loin. Il faudrait faire la même étude pour le pôle sud de la planète. Pour l'instant, c'était uniquement sur le pôle nord. Et puis, il faudrait essayer de comprendre l'origine de ces tourbillons. Pour l'instant, les chercheurs imaginent qu'ils prennent leur source dans la thermosphère, c'est-à-dire une couche de l'atmosphère qui est assez chaude et les différences de température créent ces vents. Mais on connaît mal la dynamique de cette couche. Il y a certaines hypothèses selon lesquelles ces vents seraient auto-entretenus. En fait, en générant des aurores, les aurores réchaufferaient l'atmosphère et ces différences de température qui apparaissent à cause des aurores entraîneraient de nouveaux vents et ainsi de suite. Et en fait, le système de tourbillon s'entretiendrait exactement. Oui. Voilà, donc en résumé, cette étude pointe vers un tout nouveau mécanisme qu'on n'avait jamais observé pour expliquer comment se forment certaines aurores polaires. Alors, dans le cas de Saturne, ça explique uniquement une partie des aurores. Mais certaines observations récentes de l'exoplanète GJ1151b, la bien nommée, montrent que cette planète génère des aurores polaires avec une intensité impossible à expliquer par tous les mécanismes habituels. Chose étrange, c'est que cette planète est très proche de son étoile, donc il s'agit d'une planète chaude, et donc certainement avec une atmosphère très active et des vents très puissants. Et donc cette étude sur Saturne pourrait indiquer que ce type de planète très chaude proche de son étoile pourrait générer ces aurores suivant un phénomène similaire. J'ai le souvenir, arrêtez-moi si je me trompe, que sur ces géantes gazeuses, il y a eu un différentiel entre la rotation interne et la rotation des couches externes de la planète. En fait, il y a même des différentiels sur les différentes couches de nuages. Il y a toute une étude au niveau de la mécanique des fluides. Et donc, on ne peut pas vraiment s'appuyer sur le mouvement du fluide à la surface. Il faut vraiment... En fait, ce qu'on essaye de mesurer, c'est la vitesse de rotation des couches internes. Et normalement, c'est ces couches internes qui génèrent le champ magnétique. Et donc, habituellement, en mesurant la rotation du champ magnétique, on mesure la rotation des couches internes de la planète. Merci beaucoup. Félicitations pour cette première, Alessandro Roussel. Vous êtes évidemment désormais le bienvenu dans l'émission. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. La jeunesse éternelle, comme dans ce film dont nous devrions pouvoir écouter un extrait dans quelques secondes. Si tout se passe bien, peut-être allons-nous pouvoir écouter l'extrait de ce film qui évoque la jeunesse éternelle, bien entendu. Peut-être allez-vous reconnaître ce film. Bonjour, mademoiselle Ashton, comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir. Oui, écoutez, j'ai une soirée vraiment très importante ce soir. Vraiment très importante, vous comprenez? Je veux dire, je dois être resplendissante. Oh, mais vous serez la plus extraordinaire. Je veux que ce soit une réussite totale, c'est une urgence. Je suis désolée, mais la séparation du plasma a été un procédé très traumatisant pour le corps de mademoiselle. Notre politique interdit absolument plus d'une intervention de ce genre par période de 6 mois. Bon, et alors où est le problème? Mademoiselle Ashton, vous l'avez eu il y a 3 semaines. Et un petit masque au collagène, ce serait bien, non? Un petit masque au collagène? Vous pouvez aussi bien me dire de me laver au savon et à l'eau. Cette soirée est très importante pour moi. Je pourrais vous maquiller moi-même. Mais le maquillage ne sert à rien. Il n'a plus aucun effet. Vous ne m'écoutez pas, vous vous en foutez ou quoi? Vous êtes là avec votre peau de 22 ans et vos nichons durs comme de la pierre. Vous vous manquez de moi. Voilà, la jeunesse éternelle donc dans La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, le rêve donc de l'humanité, rêve toxique s'il en est. Il n'empêche que des scientifiques travaillent activement à la compréhension des mécaniques de vieillissement cellulaire pour, le cas échéant, les inverser à l'aide d'une technologie que l'on maîtrise assez bien aujourd'hui, Benoît, celle de la reprogrammation en cellules souches, les fameuses cellules iPS. Et oui, c'est la reprogrammation cellulaire, donc peut-être que les auditeurs n'ont jamais entendu parler, et pourtant cette technique de biologie vaut de l'or, hein. 3 milliards de dollars pour être précis, si on veut donner un chiffre. C'est en tout cas la somme levée par la start-up Altos Labs aux États-Unis. Et parmi les investisseurs, on retrouve un certain Jeff Bezos. Tiens donc. Fondateur d'Amazon, accessoirement l'homme le plus riche du monde. Et alors, pourquoi une telle somme? Tout simplement parce que la promesse de l'entreprise est ahurissante. À terme, il vise l'immortalité, en toute simplicité. Mais au moins en attendant le ralentissement du vieillissement, ce qui serait déjà pas mal. Et je rappelle que Jeff Bezos, hein, c'est une fortune de près de 180 milliards de dollars. Donc je m'amusais à faire des petits calculs l'autre jour. Et en imaginant qu'il arrête de gagner de l'argent aujourd'hui et qu'il commence à dilapider sa fortune en dépensant à peu près un SMIC par jour. À votre avis, Nicolas, est-ce que vous êtes fort en maths? Pour venir à bout de sa montagne d'or, il lui faudrait... Alors, un SMIC par jour, on va le prendre à 1400. C'est un peu orienté politiquement, mais sait-on jamais. 1400, 186 milliards, non, je ne vais pas y arriver, mais c'est des centaines de milliers d'années. Exact, bravo, 400 000 ans. Voilà, c'est ça. Donc on comprend mieux ce besoin de rallonger un peu sa vie. C'est long, 400 000 ans. Hein. C'est long, c'est long. Et après, c'est mathématiques de haut vol, hein, on revient à la biologie. Donc la reprogrammation cellulaire, qu'est-ce que c'est? Donc pour le comprendre, on va déjà devoir voir ce qu'il se passe avec nos cellules. Au cours de leur vie, elles se divisent de manière contrôlée pour assurer la pérennité de tous nos organes. Puis une cellule va vieillir finalement arrêter de se diviser et mourir. C'est l'apoptose. Exactement. Mais un chercheur japonais qui n'entendait pas de cette oreille, prix Nobel par ailleurs, Shinya Yamanaka, va complètement bousculer cet équilibre en découvrant que l'introduction de seulement 4 gènes dans une cellule adulte pouvait déclencher un rajeunissement jusqu'à un retour vers sa forme embryonnaire. Là, on est dans Benjamin Button, quoi, de la cellule. Donc en fait, on parle alors des cellules souches induites, comme vous le disiez dans votre lancement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera par la suite capable de se différencier à nouveau et de devenir, alors au choix, une cellule de peau, de cœur, de poumon. Et cela laisse donc imaginer des applications médicales incroyables. On pourrait imaginer réparer des organes, par exemple, en contrant leur vieillissement. Et la première application thérapeutique qui a été faite, donc là on est toujours au Japon, un pays vraiment en pointe sur la technique, c'était pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous savez, c'est la fameuse DMLA dont on entend de temps en temps parler. C'est une dégradation de la rétine qui va provoquer une tache au centre de notre vision. Alors, comment ils ont traité cette maladie? Donc, les chercheurs prennent des cellules d'un donneur compatible, ils les transforment en cellules souches induites, les cultivent en laboratoire, les différencient en cellules de rétine, puis vont les réinjecter dans l'œil pour remplacer les cellules défectueuses. Et on revoit à nouveau. Ah bon, il faut quand même dire que malgré cette prouesse, on est encore loin de pouvoir traiter des tissus plus complexes que l'œil, je pense par exemple au cerveau ou au cœur. Parce qu'il y a quand même de sacrés risques hein, quand on commence à manipuler des gènes dans une cellule. Et le problème majeur, c'est l'emballement du système. Parce qu'en fait, une cellule qui va se diviser de manière complètement anarchique, donc ça veut dire donner naissance à une tumeur. Et une autre application de la technique, c'est celle de la chercheuse qui a écrit l'article qui fait aujourd'hui la une dans The Conversation. Elle s'appelle Marie-Josée Stasia, maître de conférences en biochimie, biologie moléculaire à l'Institut de biologie structurale de Grenoble, à l'Université Grenoble-Alpes. Et elle travaille sur une maladie rare qui s'appelle la granulomatose septique chronique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous allez tout nous dire. Touche à peu près une personne sur 250 000. C'est une maladie très très grave qui provoque un déficit du système immunitaire. Et en fait, l'impossibilité de lutter contre les bactéries et les champignons qui sont présents naturellement dans notre environnement. On est entouré de tout un tas de pathogènes avec lesquels on arrive très bien à vivre. Et donc, en fait, pendant... voilà, c'est une maladie assez grave, excusez-moi, puisque l'espérance de vie des patients était de seulement quelques années. Heureusement, aujourd'hui, on arrive à mieux la détecter et on peut placer ces personnes sous antifongiques, donc contre les champignons et antibiotiques, voire les traiter par greffe de moelle. On connaît tous les problèmes qu'on peut avoir avec les greffes, hein, évidemment, pour trouver les donneurs compatibles, etc. Et en fait, cette maladie, elle est due à un déficit d'une seule enzyme, bien particulière, qu'on retrouve normalement dans les globules blancs, et qui sert à la production de molécules pour attaquer justement ces bactéries et ces champignons. L'enzyme NOX. Exactement. Oui, j'ai trahi. Hein. Ouais. J'ai hésité à en parler. Vous pouvez y aller. On est très bon. On est sur France Culture. On peut nommer des enzymes. La fameuse NOX. Et donc, l'idée est donc de modifier ces globules blancs inefficaces en réintégrant le gène qui va produire la fameuse enzyme. Et son équipe vient d'apporter une preuve de concept hein, sur des cellules en laboratoire. Ils ont réussi vraiment à faire refonctionner ces globules blancs défectueux. Et il faudra ensuite, évidemment, passer à l'animal, hein, puis à l'humain. Mais notre chercheuse a déjà reçu des coups de fil de médecins, notamment de l'hôpital Necker, me disait-elle, qui suivent ça avec la plus grande attention. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, il nous reste la question à 3 milliards de dollars. Hein. L'immortalité, c'est pour quand? Et moi, je suis désolé, Nicolas, mais je ne suis pas sûr que vous pourrez encore présenter la méthode scientifique dans 300 ans. Ça me va très bien. J'en suis ravi, figurez-vous. Ce n'est pas du tout une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, le premier essai de la technique de reprogrammation cellulaire sur un animal a été fait par un chercheur espagnol qui s'appelle Juan Carlo Belmonte en 2016. Et lui, il a pris des souris atteintes de progéria. Vous savez, c'est cette maladie qui provoque un vieillissement extrêmement accéléré. Et donc lui a injecté ces fameux 4 gènes miracles dont je parlais au début. Et qu'est-ce qu'on a observé? Chez certaines souris, la durée de vie a bien été prolongée de quelques mois, qui à l'échelle d'une vie de souris est quand même important. Mais chez d'autres, de nombreuses tumeurs sont apparues. Donc là, c'est vraiment le risque, hein, je le répète, c'est de reproduire en fait un état de cellules souches c'est risquer un développement complètement anarchique et non contrôlé. Parce qu'en fait, quand on va réinjecter tout un tas de cellules souches, on n'est pas sûr d'arriver à réinjecter les bonnes cellules, qu'elles soient toutes bien différenciées, etc. Donc une cellule souche balancée dans un organisme, ça peut créer un bout de peau au milieu d'un cœur ou au milieu d'un poumon, donc ce qui n'est pas extrêmement utile. Ce n'est pas l'effet recherché. Voilà, donc pour Marie-Josée Stasia, pour conclure, en fait, un essai clinique chez l'humain n'est vraiment pas envisageable. L'immortalité est toujours sujet de science-fiction. Donc, monsieur Bezos, ne traînez pas trop, dépensez votre fortune. il a de quoi faire. Non, c'est intéressant, c'est l'UIPS, on en a beaucoup parlé, Mathilde, c'est également cette technologie qui est derrière les organoïdes, qui sont aussi une vraie poussée, une vraie percée en recherche fondamentale pour travailler notamment sur les questions de greffe, pour pouvoir faire de l'expérimentation scientifique sans passer par le modèle animal. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Récemment, qui a valu d'ailleurs le prix Nobel à Yamanata en 2012. Oui, on est vraiment en train d'avoir des organes qui sont en laboratoire et qu'on peut manipuler sans plus avoir besoin de faire appel à des cultures, etc. Et ça fait des très belles photos scientifiques aussi dans les magazines. Ce qui est important. À la une d'Epsilon, Mathilde. Comment nous sommes devenus gentils? Car oui, nous sommes gentils, Nicolas. Mais nous sommes absolument gentils. Alessandro Roussel est très gentil. Il va nous dire ce qui est la prochaine vidéo sur Science Click. Alors, on parlera de la supersymétrie. On vous met le lien vers Science Click et à la une de The Conversation, Benoît Tonson. Eh bien, l'article dont je viens de vous parler, qui s'appelle « Le rêve de Jeff Bezos, peut-on vivre éternellement en reprogrammant les cellules ?» La réponse est non. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Benoît, merci Alessandro, merci Mathilde. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Eléa Balzo, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, Céline Lausanne, Olivier Bétard, avec donc Eléa Balzo à la réalisation, et Marie-Claire Roumabedi à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, sur franceculture.fr, à tout jamais jusqu'à la fin des temps, si jamais nous arrivons jusque-là, jusqu'à preuve du contraire.